Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, merci de nous écouter et aujourd'hui, eh bien, nous allons présenter la saison en cours de l'Opéra National de Lorraine et je suis donc aujourd'hui en compagnie de Cora Joris, directrice des forces artistiques de notre opéra. Bonjour Cora. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre fonction très avec un nom très étrange, force artistique? Oui, tout à fait. Ça intrigue un peu. C'est un nom un peu musclé. Oui. Je suis responsable de l'orchestre, du chœur et des pianistes de l'Opéra National de Lorraine, en charge de l'organisation, de la coordination générale des événements artistiques, des programmations lyriques, symphoniques, jeunes publics. Et puis, j'ai aussi une place dans le choix de la programmation avec le directeur musical et la directrice artistique. Donc, un rôle très important au sein de cet opéra. Hein. Et on va parler donc de cette programmation en cours. Je vous avais déjà reçu en début de saison pour parler des premiers concerts de la saison et des premières productions lyriques. Et là, nous voici donc en février avec le spectacle, je ne sais pas comment il faut dire, le spectacle Gypsy, c'est le spectacle, c'est bon ? Oui, tout à fait. C'est à mi-chemin entre de la comédie musicale avec des codes de l'opéra, des codes du cabaret aussi. Donc oui, un spectacle, tout à fait. Et là, le public a le plaisir d'apprécier Nathalie Dessay, la grande soprano qui est devenue si rare, avec sa fille Neïma Naouri, fille également de Laurent Naouri, du grand chanteur. Et là, donc en quoi consiste, c'est quoi ce spectacle, Gypsy Tzigane quoi? Alors c'est une comédie musicale qui parle du showbiz, notamment de la musique. Et il se trouve que c'est très intéressant parce que c'est une création française. Cette comédie musicale très peu connue n'a jamais été jouée ici. Ah oui. Et ce spectacle est créé ici à l'Opéra National de Lorraine et sera ensuite rejoué à Paris dans les semaines et les mois à venir. Et évidemment, Nathalie Dessay, ça attire du monde. Donc, c'est déjà à guichet fermé, je crois. Tout à fait. Je crois que tout est complet pour samedi et dimanche. On est ravis, évidemment, d'accueillir Nathalie Dessay sur la scène de l'opéra qui donne une énergie folle dans ce spectacle. Oui, on la connaît, évidemment, aussi pour ses merveilleux disques. Alors, justement, on va la retrouver dans une pièce très virtuose à la Bief, le Rossignol. Elle est accompagnée par l'Orchestre symphonique de Berlin que dirige Michael Schoenwandt. Thank you. Quelle voix, hein, exceptionnelle hein, quand même, hein, Nathalie Dessay, donc ce rossignol d'Alabief et l'Orchestre Symphonique de Berlin, dirigé par Michael Schoenwandt. Je suis toujours en compagnie de Cora Joris, directrice des forces artistiques de l'Opéra National de Lorraine. Alors, donc, musique russe, en ce mois de mars, avec Tchaïkovski et son opéra le plus célèbre, me semble-t-il, le plus apprécié en tout cas, Eugène Onéguine. Tout à fait, une œuvre sublime qui reprend l'histoire du roman de Pouchkine, Eugène Onéguine, qui évoque une histoire d'amour manqué, avec des thématiques de l'échec, du regret, de la mort aussi. Mm-hmm. Donc une œuvre puissante dans son texte et puissante dans sa musique aussi. On retrouve toute l'âme slave de Tchaïkovski, avec notamment des pages à l'intérieur de l'œuvre de l'opéra, des pages symphoniques pour l'orchestre, mm-hmm. notamment une polonaise bien connue. Donc une œuvre sublime qu'on est ravis de faire jouer sur la scène de l'Opéra National de Lorraine, dirigée par Marta Gardolinska, qui a toujours aussi très à cœur, elle est directrice musicale de l'Opéra, toujours très à cœur de faire vivre et revivre la musique d'Europe de l'Est, ici à Nancy. Et donc voilà, on est très content de produire ce spectacle qui a été créé au Théâtre de Magdebourg, dont on est coproducteur. Mmh. Et voilà, donc les représentations auront lieu entre le 28 février et le 6 mars. Voilà, les répétitions viennent de commencer avec les solistes qui sont arrivés. L'orchestre ouais. commencera le travail un peu plus tard. Et voilà, ça s'annonce vraiment superbe. Pas facile de trouver des solistes capables de chanter le russe. Ah, c'est tout l'enjeu, effectivement, d'un casting pour une œuvre en russe. On est d'ailleurs accompagné d'une coach en russe pour aider et accompagner les chanteurs. Et c'est un travail au long cours qui a commencé d'ailleurs pour les chanteurs du chœur de l'Opéra National de Lorraine il y a déjà plusieurs semaines. Alors Cora Joris, vous avez parlé des pages symphoniques de cet opéra, Eugène Onéguine. Bah, alors on va écouter l'une des scènes les plus célèbres, ce n'est pas une page symphonique, c'est la scène de la lettre. Je vous la propose avec la soprano Renée Fleming, l'Orchestre Symphonique de Londres est dirigé par Sir Georg Scholti. Thank you. Un extrait de la scène de la lettre d'Eugène Onéguin de Tchaïkovski, René Fleming, le London Symphony Orchestra, Sir Georg Scholti, et vous pourrez découvrir, si vous ne le connaissez pas, cet opéra magnifique de Tchaïkovski, donc en mars, à notre Opéra National de Lorraine. Donc les dates, je vous laisse les rappeler, Cora Joris. Oui, donc 28 février pour la première représentation, et puis le 2, le 4 et le 6 mars. Merci Cora. Donc Cora, on va continuer à présenter la saison en cours à Nancy, et ensuite, on va parler d'un concert symphonique, Amslav. On retrouve un peu d'ailleurs la thématique autour des pays de l'Est. Oui, tout à fait. À nouveau, on explore le répertoire des pays de l'Est de l'Europe. Alors ici, c'est un programme symphonique avec plusieurs régions représentées. La Pologne, très chère à notre directrice musicale, Marta Gardolinska, avec concerto pour violon de Gratina Baczewicz, trop peu connue et œuvre magnifique qui sera interprétée par Janusz Wawrowski. Et puis, en ouverture du programme, une pièce de d'Irina Alexichouk, qui est une compositrice ukrainienne, contemporaine, vivante, qui a composé une œuvre qui s'appelle Go Where the Wind Takes You, qui sera créée à l'Opéra National de Lorraine. Alors, en réalité, c'est une création internationale. L'œuvre a déjà été jouée et sera à nouveau créée dans d'autres lieux que Nancy. C'est une œuvre qui bénéficie d'une forme de coproduction de plein d'institutions partout dans le monde. Et donc, la compositrice écrit cette pièce en s'inspirant d'un poème qui évoque ces femmes, notamment ukrainiennes, qui sont déplacées suite aux conflits armés. Et donc c'est la question de l'errance, la question de la recherche d'identité d'appartenance à un lieu. Et donc on est très content de pouvoir faire jouer cette pièce-là. Et puis ensuite, pour clore ce programme, les danses slaves de Dvorak, qui sont des pages symphoniques extrêmement brillantes, avec des percussions, avec des cordes très, très brillantes et puis très rythmées aussi. Dvorak s'inspire du folklore d'Europe de l'Est et qu'il revisite un petit peu à sa sauce symphonique, avec son langage qu'on lui connaît. Eh bien justement, on va écouter l'une des danses slaves d'Antonin Dvorak. Elles ont d'abord été composées pour piano à quatre mains, puis orchestrées par Dvorak lui-même, ce qui n'est pas le cas des danses hongroises de Brahms, qui parfois ont été orchestrées par d'autres compositeurs. On va écouter la première, tout simplement, du recueil opus 46, l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, et dirigé par Raphaël Kubelik. Thank you. quelle virtuosité. L'orchestre symphonique de la radio bavaroise, merveilleux orchestre, avec Raphaël Kublik qui connaissait son Dvorak sur le bout des doigts. Et on pourra les écouter, donc ces danses slaves, quand, Cora Joris ? Les 13 et 14 mars. Cora Joris, qui est directrice des forces artistiques de l'Opéra National de Lorraine. Alors, vous vouliez nous parler d'un concert qui n'était pas prévu et qui s'ajoute à la saison, un concert autour de Tchaïkovski, justement. Tout à fait, on reste à nouveau dans l'univers slave de l'Europe de l'Est. C'est un programme qui a été effectivement ajouté. On est ravis de pouvoir proposer au public nancéen une série symphonique supplémentaire à la salle Poirel et d'accueillir à nouveau Gaetano Lococo, jeune chef qui était déjà venu pour le Lac d'Argent la saison dernière et qu'on retrouvera à ce moment-là pour un programme russe, à nouveau avec du Tchaïkovski et puis avec une pièce de Oultsvolskaya. À nouveau, on croise les époques puisque c'est une compositrice contemporaine. Mmh. Cette pièce reprend des éléments de la liturgie russe, alors avec un univers musical relativement austère, très intérieur. C'est vraiment une spiritualité pas démonstrative, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Une pièce avec cœur ? Alors non, du tout, c'est pour un tout petit groupe d'instrumentistes. On a, je crois, 4 ou 5 instruments seulement. Et puis, une voix parlée qui récite, qui déclame des récitations liturgiques. Et donc, le concept, en fait, est de faire se chevaucher cette pièce-là avec la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Grande œuvre, grande symphonie, l'une des plus connues de Tchaïkovski, certainement. Et donc, c'est un concert concept, disons. L'idée, c'est de partir de la naissance et d'arriver à la mort, puisque la symphonie pathétique met en scène, en quelque sorte, met en musique une mort peut-être même programmée. On fait souvent le lien avec la biographie de Tchaïkovski. Peut-être et puis son Requiem, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. On se demande, Tchaïkovski est mort quelque temps après la composition de cette œuvre et dans des circonstances qui restent toujours un peu mystérieuses. Oui. Et donc voilà, ce programme avec ces deux œuvres croisées permet vraiment un cheminement entre l'ombre et la lumière, la naissance, la vie et la mort. Ça risque d'être un moment très beau, très fort, commenté d'ailleurs par le chef d'orchestre qui a souhaité présenter son programme, ses idées et puis présenter les œuvres au public nancéen. Et donc avec cette symphonie de Tchaïkovski qui passe par différents états. Alors évidemment, il y a la mort à la fin, il y a aussi une valse à 5 temps, très légère et tournoyante, et puis un mouvement absolument survolté, le troisième mouvement. Tout à fait, une sorte de marche euphorique, avec une euphorie parfois qui peut presque avoir des accents un peu inquiétants quand on sait la suite funèbre juste après. Et donc, je crois que c'est ce passage-là qu'on va entendre maintenant, dans un enregistrement historique, puisque c'est un enregistrement... Que vous avez choisi. Tout à fait, qui a été réalisé dans les années 60, en 1960 exactement, pour Deutsche Grammophon, sur micro-sillon. Et donc, en fait, on va l'entendre là, dans la version restaurée, parue en 2006 pour CD. Ouais. Voilà, c'est l'occasion de... L'un des plus grands chefs de l'époque stalinienne, il régnait sur son orchestre philharmonique de Leningrad... comme Staline régnait sur les soviétiques avec la même terreur parfois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date de ce concert ? Oui, tout à fait. Les concerts auront lieu les 27 et 28 mars à la salle Poirel. Allez, on écoute Tchaïkovski. Ah, quelle interprétation pour une pièce extrêmement difficile à mettre en place, hein. Le troisième mouvement de la symphonie pathétique, la sixième de Tchaïkovski, le Leningrad Philharmonique et Yevgeny Mravinsky à la baguette. Le choix de mon invité, donc Cora Joris, directrice des forces artistiques de l'Opéra National de Lorraine. Donc, on va continuer avec notre présentation de la saison à Nancy, saison lyrique, avec l'élixir d'amour de Donizetti. Tout à fait, c'est la production lyrique du printemps, du 25 avril au 3 mai, et donc l'élixir d'amour qui est un des opéras les plus connus du répertoire lyrique, opéra de Donizetti. On se plonge dans le répertoire du bel canto, l'opéra italien avec des voix légères et en même temps puissantes et très expressives. Alors cette histoire est assez légère elle aussi, puisque c'est une histoire d'amour un peu particulière, puisqu'elle fait l'usage d'un élixir d'amour, ou en tout cas ce qu'on croit être un élixir d'amour, puisque en réalité le docteur Dulcamara, qui propose son élixir au jeune Nemorino, est un charlatan et qu'il ne s'agit que de vin. Oui. Voilà, donc évidemment on imagine bien là les rebondissements dans l'histoire, et puis la musique souligne parfaitement aussi cette dualité entre légèreté, rire, amusement, et puis en même temps profondeur des sentiments notamment. Bon, on va écouter non pas Una furtiva lagrima, la larme furtive, que je passe très souvent dans cette émission, qui est l'air le plus célèbre, hein. Je pense que vous serez d'accord, Cora. De très loin, oui. Oui, de cet opéra, mais le duo entre donc ce docteur Dulcamara et Adina, qui est la femme dont Nemorino est amoureux. Donc voici ce duo chanté par Cecilia Bartoli, Brinterfell, l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome et Myung Byung Chung à la baguette. Donne, vedove e ragazze, il letto non mi piace di turbare altrui la pace. piace. Conquistar vorresti un ricco? Delicatezze, mi picco. Un codino, un marchesino? E non vuol che ne morino. Prendi giù la mia ricetta. Ad un tuo sarà perfetto. Che l'effetto ti farà? Ma mi vedi, no, no, no, no. Prendi su, prendi su, prendi su la mia ricetta. Che l'effetto si farà? Se vai in vista. E avresti colpa di negare il suo valore. Lo rispetto le desideri, ma per me vena maggiore. Ne morir lasciata ogni altra, tutto mio sol mio sarà. Ah, dottore, troppo scaltra, più di te costei ne sa, se più di te costei ne sa, se più di te costei ne sa, se, se. Una tenda, una piattina, un sorriso, una carezza, per le mani che sostena, ma nel chi più ci spezza, dove non ti tangi tanti, pregi conti sposi, vanti, per le conne morena, non potrà da me fuggir, no! Impressionnant, hein, vraiment l'un des duos de, tirés de l'Élixir d'amour de Donizetti, Cecilia Bartoli Brinterfell, l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome. Myung Woon Chung, nous sommes toujours avec Cora Joris, directrice des forces artistiques de l'Opéra National de Lorraine, puisque l'Élixir d'amour sera donné quand, Cora ? Du 25 avril au 3 mai. Du 25 avril au 3 mai. Et puis la saison se clôturera avec un programme américain. Tout à fait, programme symphonique donné Salle Poirel les 26 et 27 juin. Cette fois, c'est en Amérique qu'on voyage avec des compositeurs américains bien connus, Leonard Bernstein, George Gershwin, Charles Ives, Aaron Copland, avec un répertoire extrêmement brillant qui fait entendre parfois des touches de jazz, des touches de blues ou alors des touches de répertoire américain. Par exemple, c'est le cas pour Appalachian Spring de Copland. Ah oui. Le compositeur se plonge dans la musique et le folklore afro-américain. Et donc, du coup, il revisite un petit peu toutes ces mélodies à sa sauce et se plonge notamment dans les paysages des montagnes américaines. Voilà. Pour ce programme, on accueille Willem Lachumia, grand pianiste, qui va venir interpréter les deux pièces de Gershwin avec l'orchestre et sous la direction de Marta Gardolinska. Bah, parfait, on retient la date, donc redites-la. 26 et 27 juin. Ah, parfait. Donc, je voulais passer justement l'ouverture Candide de Bernstein pour illustrer ce concert. Et puis, il nous reste à peu près un peu plus d'un quart d'heure. Alors, je me suis dit, Je vous ai demandé d'apporter quelques choix musicaux, des musiques qui vous plaisent particulièrement, vous avez envie de partager avec les auditeurs, de faire découvrir. Et bon, bah, ça m'a semblé plus intéressant que de réécouter l'ouverture Candide que je passe régulièrement. Et vous avez souhaité écouter un disque Vivaldi avec la violoniste Patricia Kopaczynskaya. Pourquoi ? Alors, c'est un disque que j'ai découvert un peu par hasard, qui m'a fait grande impression, que j'aime beaucoup. Donc, les concertos pour violon de Vivaldi, Patricia Kopaczynskaya avec le Giardino Armonico et sous la direction de Giovanni Antonini. En réalité, ça n'est pas que du Vivaldi, c'est une réelle exploration temporelle, puisque déjà, des commandes ont été passées à des compositeurs contemporains italiens en réponse au concerto de Vivaldi. Donc, sur l'album, on a une alternance de musique de Vivaldi et de création contemporaine. Et puis de manière plus générale, même dans l'interprétation de Vivaldi, il y a quelque chose dans le son qui est très intéressant. Parfois la corde en boyau utilisée par les instrumentistes pour ce répertoire-là, ça arrive que ça siffle, que ça craque, et donc le bruit ici est vraiment exploité musicalement, vous allez voir et vous allez l'entendre, surtout dans les rythmiques très rapides de Vivaldi qu'on connaît bien. Ici parfois le bruit est exploité, je vous laisse la surprise. C'est passionnant de voir à quel point tout d'un coup Vivaldi bascule dans un autre monde sonore et donc dans une interprétation très, très électrisante et très grisante. Bien, bah, quelle belle présentation, bravo Cora. On va écouter donc le presto initial du concerto La Tempête en mer, l'un des plus célèbres pour violon et cordes de Vivaldi avec Patricia Kopaczynskaya et l'ensemble Il Giardino Armonico et Giovanni Antonini. Le premier mouvement allegro de La Tempête en mer, concerto de Vivaldi, que je n'avais jamais entendu dans cette version. C'est surprenant. C'est Patricia Kopaczynskaya au violon et l'ensemble Giardino Armonico et Giovanni Antonini. Ouais. ça décoiffe. Et oui, c'est très intéressant de voir à quel point ici La Tempête en Mer est représentée aussi sonorement, et puis de voir comment les artistes re-questionnent la question du bruit, du son, du son musical. Voilà, c'est assez passionnant. Alors, je vais préciser aussi que vous êtes violoniste. Tout à fait, c'est peut-être pour ça que cette interprétation me touche aussi particulièrement. Oui, et donc vous avez étudié à Paris ? Oui, à Versailles plutôt. J'ai fini mes études de violon à Versailles. D'accord, bon. Vous jouez encore un peu de violon de temps en temps, vous avez encore un petit peu de temps. Oui, ça m'arrive, pas assez souvent à mon goût, mais j'essaye. Ouais. On va écouter un autre titre que vous avez choisi, une œuvre que je vais découvrir du compositeur Gérard Pesson, qui est très connu, mais je ne connais pas cette pièce pour piano. Ça s'appelle Roue du Mat, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est une pièce que j'ai choisie sur un album de William Lachoumia, puisqu'on l'accueille au mois de juin pour le programme America, c'est l'occasion aussi. Donc, l'album Extase Maxima, dans lequel il tourne autour de Wagner et de l'extase musicalement, et puis aussi l'extase dans les histoires des opéras qu'on connaît bien de Wagner. Donc, un album avec des œuvres pour piano de Wagner, peu connues, une fantaisie, une élégie, des œuvres d'après des opéras, Tristan et Iseult, Rienzi, Les Valkyries, qui ont été transcrites, arrangées pour piano, notamment par Hugo Wolf ou par Franz Liszt. Et puis donc cette pièce contemporaine de Gérard Pesson. Alors Gérard Pesson, compositeur français contemporain, qui a un langage musical particulièrement poétique, qui recherche toujours des choses sur la texture sonore. Et puis c'est aussi une musique, Gérard Pesson, qui s'enrichit d'éléments artistiques de la littérature, de la peinture, et aussi des citations et des transcriptions. Et donc cette pièce, En haut du mât, pour piano seul, reprend la chanson du marin du début de l'acte 1 de Tristan et Iseult. Et donc c'est cette mélodie-là qu'il harmonise, qu'il revisite un peu à sa manière. Je trouve que c'est une très belle pièce pour piano, donc interprétée par William Lachoumia dans cet album. Bon, bah, vous avez tout dit, je n'ai plus rien à dire. On écoute tout de suite cette pièce, En haut du mât, de Gérard Pesson. Une pièce de Gérard Pesson, En haut du mat, jouée par le pianiste Wilhelm Lachoumia, le choix de mon invité Cora Joris, directrice des forces artistiques de l'Opéra National de Lorraine. Je n'ai pas encore retrouvé tout à fait ma voix normale. Et on va continuer ce programme, donc ces choix que vous nous faites partager, donc avec un disque que je vous laisse présenter qui revisite un peu Beethoven. Tout à fait, alors on change complètement de registre ici, puisque c'est un artiste qui s'appelle Joachim Horsley, qui revisite des grandes pages du répertoire classique, version salsa. Alors dans cet album, on retrouve du Mahler, du Shostakovich, du Mozart, du Bach, et notamment du Beethoven, que je choisis ici de vous proposer. L'Allegretto de la 7e symphonie de Beethoven, deuxième mouvement bien connu, une sorte de marche funèbre, lente, qui grandit progressivement. Et donc ici, dans un registre complètement différent, avec du piano, des percussions, dans un rythme salsa, voilà, qui donne un peu à danser, mais on reconnaît quand même évidemment les mélodies de Beethoven. Ouais, c'est vrai que ça a été très courant autrefois de reprendre des thèmes classiques pour les arranger, soit en pop, soit avec des rythmes brésiliens, comme c'est le cas là. Pensez que c'est une démarche qui peut amener des gens à découvrir la musique classique ? Ah oui, très certainement. Je pense que c'est une démarche qui fonctionne dans les deux sens. À la fois, ça fait vivre le répertoire classique et le découvrir au public. Et puis, ça amène du monde aussi à découvrir ce répertoire classique bien connu qu'on peut entendre du coup d'autres manières. En tout cas, je trouve ça très amusant, très dansant aussi, vous allez voir. Et puis... voilà, c'est une autre démarche, on change de registre. Oui. Mais moi, comme je suis vieux, j'ai connu l'époque des années 70 où il y avait Valdo de los Rios. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était un chef argentin qui reprenait les thèmes classiques, notamment la symphonie 40 de Mozart, avec qui il avait fait un tube extraordinaire, simplement en ajoutant de la basse et de la batterie. Et puis le groupe Exception, qui était un groupe néerlandais, qui lui aussi avait repris du classique, notamment la 5e de Beethoven, la badinerie de Jean-Sébastien Bach, arrangée avec saxo, guitare électrique, batterie. Ça a eu un succès considérable. Peut-être ça a amené effectivement des gens, un certain public qui ne connaissait pas, à découvrir la musique classique. Allez, on va écouter tout de suite cette pièce. Thank you. Voilà, qui aurait probablement amusé Beethoven. Je ne sais pas s'il songeait un jour à partir à Cuba, si ça lui a traversé l'esprit. En tout cas, c'est un Beethoven cubain que vous nous avez proposé, Cora Joris, Joachim Horsley, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bon, bah, merci beaucoup d'être venu dans notre émission nous parler des prochains concerts et autres représentations lyriques proposées à l'Opéra National de Lorraine. On va rappeler quand même Eugène Onéguine de Tchaïkovski, c'est pour bientôt. Oui, tout à fait, 28 février pour la première représentation et le 2, le 4 et le 6 mars. Bien, bah, merci beaucoup Cora de nous avoir fait découvrir vos choix musicaux. Et puis bah, nous, bah, on se retrouve demain à 11h pour une nouvelle émission de discothèque classique. Bon samedi à toutes et à tous. Allez, ciao! Thank you.